بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. قالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. Ce hadith est une preuve évidente qui nous montre qu'il fait partie de la sunna de multiplier les jeûnes au cours du mois de Sha'ban. Cours dispensé par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et les musulmans. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد On remercie Allah subhanahu wa ta'ala des illustres bienfaits qui nous a comblés des nombreux bienfaits qu'il nous a attribués. Il incombe à toute personne dont Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié de ses bienfaits, à qui lui a été fait la faveur de ressentir ses bienfaits, de le remercier. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun » et remerciez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala si véritablement c'est lui que vous adorez. Ce verset ne se limite pas à ce que le serviteur reconnaît et remercie Allah subhanahu wa ta'ala en prononçant la formule de remerciement qui est « Alhamdulillah ». Ce verset est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il recommande à ses serviteurs de reconnaître qu'il est lui seul la source de tous les bienfaits. Ce verset est un ordre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ses serviteurs à œuvrer en guise de reconnaissance des bienfaits qu'il leur a octroyés. Comme il est un ordre dans lequel il ordonne ses serviteurs à transmettre les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a comblés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « I'malu ala Dawood shukra » Allah dit à la famille de Dawood « œuvrez par reconnaissance, par guise de reconnaissance. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nas, ukuru ni'matallahi alaykum » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous les humains, évoquez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. » Et il dit « وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ » Quant aux bienfaits de ton Seigneur, transmets-les. Et parmi les bienfaits dont il est opportun d'évoquer et de transmettre dans cette kalima afin de se conformer au verset précédemment cité, le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à ses serviteurs en ce mois de Sha'ban. En ce mois qui précède le mois de Ramadan al-Mubarak, l'imam al-Bukhari wa Muslim, rahmatullahi alayhima, ont rapporté selon Aïcha, radiallahu anha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour coutume de multiplier les jeûnes au cours du mois de Sha'ban. Qalat Aïcha, lam yakuni nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, yasoum min al-shahr, akthar min Sha'ban, fa innahu kana yasoum Sha'ban illa qalila. Aïcha dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné dans un mois autant qu'il a fait dans Sha'ban. En effet, il a jeûné la majorité du mois de Sha'ban. Ce hadith est une preuve évidente qui nous montre qu'il fait partie de la sunna de multiplier les jeûnes au cours du mois de Sha'ban. Et parmi les raisons qui ont été évoquées quant à la légitimité de jeûner plus particulièrement en ce mois de Sha'ban, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par ce mois, ainsi que le mois de Shawwal, border le mois de Ramadan par des jeûnes surérogatoires, le précédent et le succédant, afin que Sha'ban et Shawwal soient des œuvres facultatives, ratiba, comme c'est le cas pour le As-Salat al-Dhahr. D'autres ulama ont évoqué, parmi les raisons par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne en ce mois de Sha'ban, le fait cela afin que d'accoutumer et d'habituer les serviteurs aux difficultés que certains peuvent ressentir à travers le jeûne. Et cela afin que le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan leur soit plus simple, leur soit simplifié. Et parmi les causes, parmi les raisons qui ont été évoquées quant à la légitimité de jeûner en ce mois de Sha'ban, la raison qu'a évoquée l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Silsila Sahiha, selon Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, le professeur sallam, que le professeur sallam aimait et multiplie le jeûne durant le mois de Sha'ban. Car le professeur sallam dit, il est à moi dont les gens ils font preuve d'insouciance. Il est à moi dont les gens ils font preuve d'insouciance. Alors que les œuvres en ce mois de Sha'ban sont présentées à Allah azawajal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je souhaite que mes œuvres soient présentées dans ce mois de Sha'ban à Allah azawajal en état de jeûne. Toutes les raisons qui ont été évoquées quant à la légitimité de jeûner au cours du mois de Sha'ban ne s'opposent en aucun cas les unes des autres. Elles ont toute la viabilité d'être considérées comme raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne en ce mois de Sha'ban. Rien n'empêche qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ce jeûne pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Allah kull hal, quoi qu'il en soit, ceci nous prouve, quoi qu'il en soit, qu'il a été légiféré pour cette raison ou pour une autre, ceci nous prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le jeûne. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala aime le jeûne et aime que ses serviteurs jeûnent. C'est par cet même amour pour le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour celui qui désire jeûner en dehors du mois de Ramadan, le jeûne du lundi et jeudi, le jeûne des trois jours par mois, le jeûne de Arafa pour celui qui peut au Hajj, le jeûne de Ashura, le jeûne de Tasoura, Siyam Dawood, et le jeûne de Siyam, le jeûne du mois de Sha'ban, auquel nous appelons tout musulman et musulmane à jeûner. Tout cela parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le jeûne. Car le jeûne est l'une des meilleures œuvres. Comment peut-on dire le contraire alors que le serviteur, dans cette adoration, fait précéder l'agrément d'Allah azawajal à ses passions? Il prive son âme des délices de la vie d'ici-bas. Il prive son âme des choses à laquelle il s'est accoutumé, alors que à tout moment il lui est licite de consommer ces choses-là. Tout ça par espérance de la grande rétribution qui est réservée aux jeûneurs. Naam. Le jeûne est une adoration unique en son genre, car il se distingue à la différence des autres adorations par l'énorme discrétion et l'énorme sincérité qui est marquée au cours de cette adoration. Rien d'étonnant après cela de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est particulièrement attribué à lui-même le jeûne aux différents des autres adorations. Allah subhanahu wa ta'ala s'est réclamé pour lui-même le jeûne. Il dit dans le hadith al-Qudsi, « Kullu amal ibn Adam lah, illa siyam fa innahu li. » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, « Toutes les bonnes actions du serviteur sont pour lui, excepté le jeûne. Excepté le jeûne car il est mien. » Ce hadith nous montre le grand mérite du jeûne. Nous montre le grand mérite de jeûner au cours du mois de Sha'ban. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué le jeûne. Pourquoi penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est particulièrement attribué cette immense adoration qui est le jeûne, malgré que toutes les œuvres du serviteur sont pour lui? Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, Man amila salihan fa li nafsi, celui qui œuvre, c'est pour lui? Donc pourquoi il s'est attribué particulièrement cette adoration qui est le jeûne? Tout cela car, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué à la suite du hadith, yada'u shahwatahu wa ta'amahu li ajli. Le serviteur laisse ses désirs et sa nourriture en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc jeûnons, car le jeûne est en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûner car le jeûne, au différent des autres œuvres, n'est pas exposé à la loi du talion. Al-Qisas. Car viendra le jour du jugement dernier des hommes ayant œuvré avec sincérité. Des hommes qui auront des hasanats qui sont semblables aux montagnes. Mais malgré cela, il aurait été injuste envers celui-là, et volé l'argent de celui-ci, et frappé celui-là, et insulté celui-ci. Il a khidihi. Chacun des opprimés piocheront dans les hasanats de cette personne-là en contrepartie de l'injustice qu'ils ont subie. Jusqu'au point où il n'aura aucune yani hasanat en sa possession, excepté le jeûne. Excepté le jeûne. Car le jeûne, il est en vue d'Allah Azza wa Jal. Car le jeûne Allah subhanahu wa ta'ala se l'est particulièrement attribué. Allah subhanahu wa ta'ala lui réservera sa rétribution, et cela même s'il a commis toutes les injustices en dehors du shirk. Telle est la rétribution du jeûne. Il n'est pas exposé à la loi du talion. Donc jeûnons. Et jeûnons car la rétribution du jeûne n'a pas de semblable. Car contrairement aux autres adorations, le jeûne, la rétribution du jeûne n'est pas limitée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, « Kullu amal ibn Adam yudha'af, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, ila sab'u miyati dha'fin. Qala Allah, illa s-sawm, illa s-siyam, fainnahu li, wa ana ajazibi. » Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans ce hadith al-Qudsi que toutes les bonnes œuvres du serviteur seront multipliées. Et pour chaque hasanat, il en aura 10 semblables. Elle peut même être 700 fois plus récompensée. Excepté le jeûne. Excepté le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit, car il est mien. Et c'est moi qui le récompensera. Donc regardez le mérite de cette immense œuvre qui est le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, aux différents des autres œuvres, se charge personnellement de la rétribuer. Sa rétribution est sans limite. Personne ne connaît le degré de la rétribution du jeûne en dehors d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Car le jeûne est une patience. Car le jeûne fait partie de la patience. N'est-ce pas que le jeûneur, au cours du jeûne, patiente en obéissant à Allah Azzawajal, en appliquant les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonnées? Bala. N'est-ce pas que le jeûneur endure son âme à ne pas désobéir aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit? Bala. N'est-ce pas que le jeûneur patiente sur la faim, la soif, la faiblesse corporelle et autres, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées sur le jeûne? Bala. Bala. Ceci nous prouve que véritablement, il revient à tout jeûneur de faire partie des patients, car il patiente dans l'obéissance à ne pas désobéir et sur le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné. C'est pour cela que sa rétribution est sans limite, car le jeûne est une patience. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas évoqué sur le mérite de la patience ce verset, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, les patients seront récompensés de manière illimitée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يَلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Et ce privilège qui est d'être récompensé sans limite ne sera donné qu'aux personnes patientes et ne sera donné qu'aux possesseurs d'une grâce infime. Donc saisissons l'opportunité de faire partie des patients, des possesseurs d'une grâce infime en multipliant les jeûnes au cours du mois de Sha'ban. Et saisissons par la même occasion l'opportunité de faire partie des pieux, car tu ne trouveras aucune adoration semblable aux jeûnes te permettant d'atteindre la piété. Comme c'est le cas pour le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui croyez, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous la piété. » L'imam ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit « Quant au jeûne, il te suffit de savoir qu'il n'y a pas d'œuvre semblable à cette adoration te permettant d'atteindre la piété. » Donc jeûnons. Car le jeûne par lequel on obtient la piété est également une cause nous privilégiant de voir toutes nos œuvres acceptées. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que de la part des pieux. Donc jeûnons, afin que nos œuvres soient acceptées. Car le jeûne aboutit à la piété. La piété par laquelle nos œuvres se voient acceptées. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, Ya wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera subsistance là où il ne s'y attendra pas. Tu souhaites qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre une issue favorable dans les moments difficiles où seules les œuvres sincères seront profitables? Jeûne. Car le jeûne aboutit à la piété. Tu souhaites qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde subsistance là où tu n'y t'y attends pas? Crains Allah et œuvre sincèrement et jeûne. Car le jeûne guide à la piété. Et jeûne et même multiplie les jeûnes. Car personne n'est à l'abri de venir Yawm al-Qiyamah en ayant négligé certaines obligations, en ayant négligé certains jeûnes, certains jours du jeûne de Ramadan. Tandis que celui qui aura multiplié les jeûnes surérogatoires, que ce soit le jeûne du lundi ou jeudi, ou Siyam Daoud, ou le Siyam de Sha'ban, auquel nous appelons les musulmans à s'y confirmer, aura l'espérance que ses négligences soient comblées par la multiplication de ses jeûnes surérogatoires. Car le jeûne surérogatoire intercède en faveur de celui qui aura négligé le jeûne du Ramadan, en y comblant les jeûnes qui ont été négligés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawm al-qiyamah » As-salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première des choses auxquelles le serviteur devra rendre compte yawm al-qiyamah, c'est sa prière. S'il l'a bien accompli, il aura certes réussi et sera tiré d'affaire. Mais si ce n'est pas le cas, il sera déçu et perdant. Allah subhanahu wa ta'ala dira pour celui dont sa prière est incomplète, regardez si mon serviteur a des œuvres surérogatoires afin de combler le manque de ses prières obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toutes les autres œuvres seront jugées de la même sorte. Il y en a celui dont les jours du jeûne de Ramadan seront incomplets et qui aura par la suite ou auparavant jeûné par des œuvres surérogatoires, ces œuvres-là seront une intercession par laquelle il verra combler les jeûnes dans lesquels il a négligé pendant le mois de Ramadan. N'y a-t-il pas là ce hadith? Le hadith a été rapporté par Tirmidhi et ce hadith est Hassan. N'y a-t-il pas là dans ce hadith une forte exhortation à multiplier les jeûnes surérogatoires? N'y a-t-il pas là dans Sha'ban une opportunité à saisir afin d'être secouru yawm al-qiyamah, le jour où ni bien ni descendance ne seront de profit excepté pour celui qui aura œuvré sincèrement et viendra avec des œuvres telles que le jeûne. N'aurait été dans le fait de multiplier les jeûnes en ce mois de Sha'ban que le simple mérite d'avoir pris pour cela comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela aurait été une exhortation amplement suffisante nous poussant à multiplier les jeûnes au courant de ce mois de Sha'ban. Car seuls sont ceux qui prennent dans leur adoration le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Ce sont eux qui espèrent la récompense d'Allah, Azza wa Jal, le craignent lui et le jour du jugement dernier, et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, kathira. Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez là, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère Allah, le jour dernier, et invoque Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. N'y a-t-il pas là dans ce verset une belle annonce faite pour ceux qui prennent dans leur adoration le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle? Donc multipliez le jeûne, qu'Allah vous fasse miséricorde. Multipliez le jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde. Kadhalika, n'aurait été dans le fait de multiplier les jeûnes dans ce mois de Sha'ban que le simple mérite de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela aurait été également amplement suffisant afin de décupler les efforts dans ce mois. Car ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses adorations. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô Muhammad, dis-leur, si véritablement vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi. » Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Celui qui multiplie le jeûne ou les jeûnes au cours du mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera et le pardonnera. Pourquoi? Parce qu'il aura suivi son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration. Bien plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la réussite dans tout ce qu'il entreprendra. Car celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, il lui donne la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, قال, إِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَنَّهُ. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si je l'aime, et si je venais à l'aimer, je serais son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attaque, ses pieds avec lesquels il marche. S'il me demande, je lui donnerai. Et s'il cherche auprès de moi le refuge, je lui donnerai l'asile. Donc celui qui souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, celui qui souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, et lui donne la réussite dans le futur, dans tout ce qu'il entreprendra, qu'il jeûne. Car il y a certes dans le jeûne du mois de Sha'ban, une main qui t'est tendue afin que tu privilégies de tout cela. Mes frères et sœurs, il y a certes dans le jeûne beaucoup de mérite et de profit, comme on a pu le voir, qui exhorte tout musulman, tout musulman et tout musulman à multiplier les efforts dans ce mois de Sha'ban. Parmi ces mérites, qui sont nombreux à ce sujet, et que le jeûne est un rempart contre l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne est une protection contre l'enfer. Ce hadith a été authentifié par Cheikh Mokhbar rahimahullah ta'ala. Donc, le jeûne est une protection contre l'enfer. L'enfer. Et qui te dira, qu'est-ce que l'enfer? Sa profondeur est semblable à 70 années. Ses flammes sont 70 fois plus ardentes que celles de la vie d'ici-bas. Ni bien, ni descendance ne seront profitables contre l'enfer. Donc, jeûnons. Jeûnons car le jeûne est une protection contre l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège de l'enfer. Ni bien, ni descendance ne seront profitables contre l'enfer, excepté celui qui viendra avec un cœur saint, yawm al-qiyamah, et des œuvres le protégeant de l'enfer, tel que as-siyam. Nul ne sera protégé de l'enfer, excepté celui dont Allah subhanahu wa ta'ala l'aura éloigné de l'enfer. Le prophète sallam dit, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui éloignera son visage de l'enfer de 70 années. Que dire alors pour celui qui aura fait précéder le mois de Ramadan par de multiples jeûnes surérogatoires? De combien d'années penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloignera son visage de l'enfer? Telle est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à qui il veut. Donc jeûnez, car par le jeûne, tu vois ton visage s'éloigner de l'enfer. Parmi les mérites du jeûne est que les jeûneurs seront appelés à rentrer au paradis yawm al-qiyamah par une porte s'appelant Ar-Rayyan, n'y pénétreront que les vertueux. Comme on a pu le voir à travers ces nombreux hadiths et ces nombreux versets, le jeûne est une adoration grandiose, d'un profit très surprenant. Il y a dans le jeûne une médecine prophétique très très étonnante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le fait de jeûner trois fois par mois dissout la haine et la rancœur qu'il y a dans les cœurs. Ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Sheikh Muqbal rahimahullah ta'ala. Connais-tu une adoration autre que le jeûne à travers laquelle le serviteur prend connaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a comblé? C'est par le jeûne que le serviteur donnera aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala la réelle valeur qu'ils ont. Car lorsque le jeûneur délaisse les bienfaits, les délices de la vie d'ici-bas qui lui sont coutumes et qui lui sont licites, il est content, yani après qu'il ait fini de jeûner, de le retrouver. Après cela, il va lui donner la véritable valeur à ces choses-là. Le siyam est un bienfait qui lie entre les cœurs, qui provoque aussi dans les cœurs des jeûneurs cette sensation à éprouver de la compassion avec ceux qui sont nécessiteux et à marquer la bienséance avec eux. Car la faim, la soif qu'ils ressentent à travers le jeûne lui feront ressentir la difficulté qu'éprouvent les pauvres dans leur vie. Alhamdulillah. Et parmi les bienfaits et les profits du siyam, les médecins, al-tibba, ont évoqué que le jeûne, au point de vue santé, a un très grand profit, car il préserve la santé, il élimine les toxines et dissout le souffle des repas qui peuvent avoir une nuisance sur la santé, comme l'a évoqué l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala. Falhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a placé dans le jeûne des bienfaits religieux, des bienfaits mondains et des bienfaits médicinaux. Pour finir, on s'encourage les uns et les autres à multiplier les efforts et les jeûnes au cours de ce mois de Sha'ban, en jeûnant la majorité des jours et non pas la totalité, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de jeûner la totalité. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne précédait pas le mois de Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours, excepté pour celui dont ces derniers jours de Sha'ban vont concorder avec certains jours qu'il avait l'habitude de jeûner. Pour celui-là, il lui est licite de jeûner les deux derniers jours de Sha'ban, et non pour autre. Muttafaqun alayhi hadith. Et quant au hadith, ne jeûnez pas après la deuxième moitié de Sha'ban, c'est un hadith qui n'est pas authentique. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, dit que ce hadith est une erreur. Donc par conclusion, il est tout à fait licite pour celui qui désire profiter du jeûne de Sha'ban et de ses nombreux mérites, qu'il jeûne la deuxième partie de la deuxième moitié de ce mois. En aucun cas, il est détestable pour lui qu'il jeûne. Et كذلك, le hadith qui dit la tasoumu yawm as-sabt illa fi maftard 'alaykum, ne jeûnez en aucun cas le samedi excepté si jamais ce jeûne là est pour vous obligatoire. Ce hadith là a été également qualifié par certains savants comme Cheikh al-Islam de soit qu'il est aboli ou soit qu'il n'est pas authentique. Car ce hadith là, comme l'a évoqué Cheikh al-Islam, il contredit beaucoup d'autres hadiths qui prouvent que tu as le droit de jeûner samedi. Celui qui jeûne Siam Daoud un jour sur deux, certes, un jour il va tomber le samedi. Celui qui jeûne la majorité de Sha'ban, un jour il va tomber sur le samedi. Celui qui jeûne les jours lunaires, un jour il va tomber sur le samedi. Celui qui jeûne le vendredi et souhaite le faire suivre par un autre jour, il va le jour qui vient après, c'est le samedi. Celui et énormément d'autres Siam qui prouvent que tu as droit de jeûner samedi. Ashura, Tasura, ila akhirih. Tout ça prouve que tu as droit de jeûner samedi. Tu as droit de jeûner samedi. L'imam Malik, lorsqu'il lui a été posé la question sur ce jeûne, le jeûne de samedi, il a dit ce hadith-là est un mensonge. Est un mensonge, est une chose inventée sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même si certains savants ont authentifié ce hadith, ont jugé qu'il est interdit de jeûner samedi, et un as-sahir, le sujet est un sujet de divergence. Mais as-sahir, c'est que tu as tout à fait le droit de jeûner samedi, car le hadith qui interdit cela rentre en contradiction avec d'énormes hadiths. Pour finir, je vous enjoins ainsi qu'à moi-même la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala en multipliant le jeûne au cours de ce mois de Sha'ban. Car il est comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle bonne chose le siyam. Quelle bonne chose le siyam. Le siyam n'a pas de semblable. Ce hadith a été authentifié par Cheikh Mokbel, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala. En espérant, incha'Allah, que cette parole, cette exhortation soit un profit pour l'islam et les musulmans, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous placer parmi les personnes qui profitent des paroles et les font suivre par des œuvres. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي